Chapitre 59e, le cycliste brun. Comme il allait tranquillement à pied, fumant sa cigarette, en remontant les Champs-Élysées pour gagner l'étoile, il aperçut, filant dans une auto, avec une autre personne dont il ne put saisir le visage, le fameux banquier James Benamol. À tout hasard, Paulin Broquet, sur son carnet de papier à cigarette, écrivit au crayon promptement le numéro de cette auto. Il va sans dire que Paulin Broquet, pour se livrer à cette enquête, avait soin de se grimer, oh, tout bonnement en bon bourgeois parisien, en un de ces mille petits rentiers qui, le nez au vent, promènent leur oisiveté dans les rues de Paris, au hasard le plus souvent, et constituent une des plus fortes parties de ces badauds semblant sortir du pavé au moindre événement. C'est un des miracles de Paris que la formation de ces attroupements inattendus, même dans les rues les plus désertes, les quartiers les plus lointains. Au moindre rien, il suffit que quelqu'un fasse seulement semblant de chercher quelque chose à terre, pour qu'aussitôt, comme une volée de moineaux sur une poignée d'orge, arrivent les badauds, toujours les mêmes. Le petit pâtissier, le garçon boucher, le commis épicier en tête, le télégraphiste, le rentier, et toujours né en avant un fox-terrier. Paulin Broquet, donc, en badaud, attendant l'événement qui meublera sa journée désœuvrée, gagnait la place de l'Étoile. Il allait se diriger vers le fameux Stella Palace, quand, se trouvant sur le bord du trottoir, au moment où il allait mettre le pied sur la chaussée, il fut frôlé par un chasseur, un gamin fluet, alerte, qui, à toute allure, roulait sur un vélo, bien sanglé dans sa livrée marron, un polo crânement campé sur ses cheveux bruns. Paulin Broquet n'eut que le temps de remonter sur le trottoir pour ne pas être bousculé par le garnement, qui, ayant tort, s'empressa d'invectiver fortement le brave homme. Et le cycliste, en filant toujours, criait ses injures avec un accent, un timbre de voix, qui surprirent le détective ainsi molesté. Le gamin, en se tournant, montra une figure rose, fraîche, deux yeux bleus, qui tranchait gaiement avec les cheveux noirs. Sur le col de sa livrée, aux nombreux boutons de cuivre, il portait SP. Paulin Broquet, tout en relevant d'un coup d'œil divers détails, éleva son parapluie comme n'eût manqué de le faire tout vrai bourgeois de Paris, et il cria « Garnement, gredin !» Le cycliste mit à rire. Il était déjà loin, tout content d'avoir joué un tour à un paisible et inoffensif passant. Mais ce bourgeois était Paulin Broquet, ce dont assurément le chasseur ne se doutait pas. Et Paulin Broquet, tout en maniant son inévitable parapluie, se disait, regardant le gredin s'éloigner à toute pédale, « Ce cycliste brun aurait des relents de parfum blanc que ça ne m'étonnerait pas. » Il continua sa route donc vers le Stella Palace. Comme il passait devant l'entrée monumentale, ayant soin de se mêler à quelques gens qui circulaient sur le trottoir opposé, il aperçut son cycliste qui, les mains dans les poches, parlementait avec le gros huissier de la porte. Le cycliste devait lui raconter sa dernière prouesse. Il lui dépeignait la terreur du bon bourgeois, le moulinet puissant de son terrible parapluie, car le colossal huissier, le Suisse, de Hambourg, riait de son large et lourd rire d'allemand. Mais le rire cessa presque aussitôt. L'huissier reprit la gravité de ses fonctions pour venir ouvrir la portière d'une auto qui se rangea devant le trottoir du Stella Palace. Casquette à la main, obséquieux, se pliant, le majestueux huissier ouvrit la portière et guida jusqu'à la porte de l'hôtel les deux personnages qui descendaient de l'auto. L'un était le colossal baron Otto Friedenstrasse, l'autre le banquier James Benamol. Un peu plus loin, Paulin Broquet aperçut, venant d'un pas élastique, nerveux, en tenue correcte de parfait gentleman, un japonais, le baron Osaka. Et comme Paulin Broquet, fort content de cette rencontre, dont il appréciait dès maintenant la valeur, s'éloignait par prudence, un homme le croisa qui ne tarda pas à pénétrer à son tour dans le Stella Palace. Cet homme était Macrelion. Or, cet Australien, peu de temps avant cela, se trouvait dans le bureau de Paulin Broquet et s'appelait Mac Binkerton. Ici, c'était un riche Australien, un des rois de l'élevage, ailleurs, tout bonnement, le premier des détectives britanniques. « Bon, » se dit Paulin Broquet, « je sais où est le terrier de ces renards, l'antre de tous ces loups. » Il se dit encore, « on ferait descendre le prince Farinma au Stella Palace, que cela ne m'étonnerait pas outre mesure. S'il y a un coup à faire, c'est ici qu'on le prépare, et c'est ici sans doute qu'on le fera. » Paulin Broquet, maintenant, en savait suffisamment. Toujours mêlé au groupe qui passait devant la majestueuse entrée du palace, il put encore une fois jeter un regard aigu dans le vestibule, où de nouveau, le colossal Allemand, jouant le Suisse, venait de reprendre place et s'apprêtait à s'aplatir devant les clients de marque. Le chasseur, comme tous les garnements de son âge, avait allumé une cigarette qu'il devait trouver d'autant meilleure qu'il la fumait alors que c'était défendu. Paulin Broquet put, cette fois, mieux encore le voir, l'étudier. « Plus de doute, » fit-il, « ce gamin de 16 ans, ce cycliste brun, ce chasseur, c'est elle. Elle qui était jadis la blonde comtesse Varsovia, elle qui laissait dans les couloirs du ministère, dans l'antichambre de M. Simoneau blessé, la subtile trace de son passage, son exquis parfum blond. » Comme il constatait cela, un homme au complet gris, coiffé d'un chapeau gris, un feutre fendu, portant de larges souliers jaunes, admirablement bâti, solide, robuste, une allure élégante, souple, et qui devait être d'une force exceptionnelle, pénétra d'un pas rapide, décidé, ferme sous le grand porche. Ce devait être un Américain. L'huissier se courba en deux devant l'Américain. Le cycliste porta la main droite à sa casquette et cacha derrière son dos la main qui tenait la cigarette. L'Américain, que Paulin Broquet ne pouvait en ce moment voir que de dos, comme il entrait dans le palace, se retourna et jeta un coup d'œil rapide, machinal, dans la rue, du côté de Paulin Broquet. Et Paulin Broquet put voir dans les yeux de l'Américain une lueur verte briller. « Will Wilson !» se dit-il. « Lui !» Il ajouta. « Allons, toute la bande est là. » Désormais, il savait tout ce que matériellement il pouvait apprendre. Il ne devait pas demeurer plus longtemps dans les parages de l'hôtel, car malgré le va-et-vient continuel, malgré la circulation des voitures, des autos, sa présence y eût été signalée. Infailliblement, le chasseur eut reconnu son bourgeois, qu'il avait menacé de son parapluie, et la comtesse Varsovia eut peut-être deviné sous cette apparence bonhomme le redoutable Paulin Broquet. Il s'éloigna, remontant du côté de l'Étoile, pour pouvoir, d'un café de l'avenue de Wagram dont il connaissait le patron, lancer un coup de téléphone sans que des oreilles indiscrètes puissent l'entendre. Or, comme il traversait les Champs-Élysées et que grâce à la mauvaise organisation de la circulation dans Paris, il était obligé, avec quantité d'autres passants, de stationner sur un refuge au milieu de l'avenue, de recevoir copieusement les éclaboussures des autos, avant de passer sur l'autre bord, devant lui roula une superbe limousine. Dans cette limousine, il put apercevoir le marquis Don Isigo Martolo et sa sœur, la délicieuse comtesse Pepa d'Ortega, qui allait faire une promenade au bois. « Voilà, se dit Paulin Broquet, voilà ce que cet infortuné colonel de Fongrive aurait dû voir aujourd'hui. Je viens de laisser Will Wilson entrer au Stella Palace. Or, Will Wilson est Zigomar. Et à quelques minutes de là, j'aperçois en auto Don Isigo. Or, Don Isigo Martolo est aussi Zigomar. Partout, toujours Zigomar. »